Chapitre 10 Funérailles, pompe funèbre des grands. Si l'on se rappelle ce que nous avons dit dans la première partie de cet ouvrage, sur le dernier sacrement des chrétiens, on conviendra d'abord qu'il y a, dans cette seule cérémonie, plus de véritable beauté que dans tout ce que nous connaissons du culte des morts chez les anciens. Ensuite, la religion chrétienne, n'envisageant dans l'homme que ses fins divines, a multiplié les honneurs autour du tombeau. Elle a varié les pompes funèbres selon le rang et les destinées de la victime. Par ce moyen, elle a rendu plus douce à chacun cette dure mais salutaire pensée de la mort dont elle s'est plu à nourrir notre âme. Ainsi, la colombe a molli dans son bec le froment qu'elle présente à ses petits. La religion a-t-elle à s'occuper des funérailles de quelque puissance de la terre? Ne craignez pas qu'elle manque de grandeur. Plus l'objet pleuré aura été malheureux, plus elle étalera de pompe autour de son cercueil, plus ses leçons seront éloquentes. Elle seule pourra mesurer la hauteur et la chute, et dire ses sommets et ses abîmes, d'où tombent et où disparaissent les rois. Quand donc l'une des douleurs a été ouverte, et qu'elle s'est remplie des larmes des monarques et des reines, quand de grandes cendres et de grands malheurs ont englouti leur double vanité dans un étroit cercueil, la religion assemble les fidèles dans quelque temple. Les voûtes de l'église, les autels, les colonnes, les saints se retirent sous des voiles funèbres. Au milieu de la nef s'élève un cercueil environné de flambeaux. La messe des funérailles s'est célébrée au pied de celui qui n'est point né et qui ne mourra point. Maintenant tout est muet. Debout, dans la chaire de vérité, un prêtre seul, vêtu de blanc, au milieu du deuil général, le front chauve, la figure pâle, les yeux fermés, les mains croisées sur la poitrine, est recueilli dans les profondeurs de Dieu. Tout à coup ses yeux s'ouvrent, ses mains se déploient, et ses mots tombent de ses lèvres. Celui qui règne dans les cieux, et de qui relèvent tous les empires, à qui seul appartient la gloire, la majesté et l'indépendance, est aussi le seul qui se glorifie de faire la loi aux rois, et de leur donner, quand il lui plaît, de grandes et de terribles leçons. Soit qu'il élève les trônes, soit qu'il les abaisse, soit qu'il communique sa puissance aux princes, soit qu'il la retire lui-même et ne leur laisse que leur propre faiblesse. Il leur apprend leurs devoirs d'une manière souveraine et digne de lui. Chrétiens, que la mémoire d'une grande reine, fille, femme, mère de roi si puissant et souveraine de trois royaumes, appelle à cette triste cérémonie. Ce discours vous fera paraître un de ces exemples redoutables qui étalent aux yeux du monde sa vanité tout entière. Vous verrez dans une seule vie toutes les extrémités des choses humaines. La félicité sans borne, aussi bien que les misères, une longue et pénible jouissance d'une des plus nobles couronnes de l'univers. Tout ce que peuvent donner de plus glorieux la naissance et la grandeur accumulées sur une tête, qui, ensuite, est exposée à tous les outrages de la fortune. La rébellion, longtemps retenue, à la fin, tout à fait maîtresse, nul frein à la licence, les lois abolies, la majesté violée par des attentats jusqu'alors inconnus, un trône indignement renversé. Voilà les enseignements que Dieu donne au roi. Souvenir d'un grand siècle, d'une princesse infortunée, et d'une révolution mémorable. Oh, combien la religion vous a rendu touchants et sublimes en vous transmettant à la postérité. Chapitre 11 Funérailles du guerrier, convoi des riches, coutumes, etc. Une noble simplicité présidait aux obsèques du guerrier chrétien. Lorsqu'on croyait encore à quelque chose, on aimait à voir un aumônier dans une tente ouverte, près d'un champ de bataille, célébrer une messe des morts sur un autel formé de tambours. C'était un assez beau spectacle de voir le dieu des armées descendre à la voix d'un prêtre sur les tentes d'un camp français, tandis que de vieux soldats, qui avaient tant de fois bravé la mort, tombaient à genoux devant un cercueil, un autel et un ministre de paix. Au roulement des tambours drapés, aux salves interrompues du canon, des grenadiers portaient le corps de leur vaillant capitaine à la tombe qu'ils avaient creusée pour lui avec leurs baïonnettes. Au sortir de ces funérailles, on n'allait point courir pour des trépieds, pour de doubles coupes, pour des peaux de lion aux ongles d'or, mais on s'empressait de chercher au milieu des combats des jeux funèbres et une arène plus glorieuse. Et si l'on n'immolait point une génisse noire aux mânes du héros, du moins on répandait en son honneur un sang moins stérile, celui des ennemis de la patrie. Parlerons-nous de ces enterrements faits à la lueur des flambeaux dans nos villes, de ces chapelles ardentes, de ces chars tendus de noir, de ces chevaux parés de plumes et de draperies, de ce silence interrompu par les versets de l'hymne de la colère, Dies Irae. La religion conduisait à ces convois des grands de pauvres orphelins, sous la livrée pareille de l'infortune. Par là, elle faisait sentir à des enfants qui n'avaient point de père quelque chose de la piété filiale. Elle montrait en même temps à l'extrême misère ce que c'est que des biens qui viennent se perdre au cercueil. Et elle enseignait aux riches qu'il n'y a point de plus puissante médiation auprès de Dieu que celle de l'innocence et de l'adversité. Un usage particulier avait lieu au décès des prêtres. On les enterrait, le visage découvert. Le peuple croyait lire sur les traits de son pasteur l'arrêt du souverain juge, et reconnaître les joies du prédestiné à travers l'ombre d'une sainte mort, comme dans les voiles d'une nuit pure on découvre les splendeurs du ciel. La même coutume s'observait dans les couvents. Nous avons vu une jeune religieuse ainsi couchée dans sa bière. Son front se confondait par sa pâleur avec le bandeau de lin dont il était à demi couvert. Une couronne de roses blanches était sur sa tête et un flambeau brûlait entre ses mains. Les grâces et la paix du cœur ne sauvent point de la mort, mais l'on voit se faner les lys malgré la candeur de leurs seins et la tranquillité des vallées qu'ils habitent. Au reste, la simplicité des funérailles était réservé aux nourriciers comme aux défenseurs de la patrie. Quatre villageois, précédés du curé, transportaient sur leurs épaules l'homme des champs au tombeau de ses pères. Si quelques laboureurs rencontraient le convoi dans les campagnes, ils suspendaient leurs travaux, découvraient leurs têtes et honoraient d'un signe de croix leurs compagnons décédés. On voyait de loin ce mort rustique voyager au milieu des blés jaunissants qu'il avait peut-être semés. Le cercueil, couvert d'un drap mortuaire, se balançait comme un pavot noir au-dessus des froments d'or et des fleurs de pourpre et d'azur. Des enfants, une veuve éplorée, formaient tout le cortège. En passant devant la croix du chemin ou la sainte du rocher, on se délassait un moment. On posait la bière sur la borne d'un héritage, on convoquait la Notre-Dame, champêtre, au pied de laquelle le laboureur décédé avait tant de fois prié pour une bonne mort ou pour une récolte abondante. C'était là qu'il mettait ses bœufs, à l'ombre, au milieu du jour. C'était là qu'il prenait son repas de lait et de pain bis, au chant des cigales et des alouettes. Que bien différent d'alors il s'y repose aujourd'hui. Mais du moins, les sillons ne seront plus arrosés de ses sueurs. Du moins, son sein paternel a perdu ses sollicitudes. Et par ce même chemin où les jours de fête, il se rendait à l'église, il marche maintenant au tombeau, entre les touchants monuments de sa vie, des enfants vertueux et d'innocentes moissons. Chapitre 12. Des prières pour les morts. Chez les anciens, le cadavre du pauvre ou de l'esclave était abandonné presque sans honneur. Parmi nous, le ministre des autels est obligé de veiller au cercueil du villageois comme au catafalque du monarque. L'indigent de l'Évangile, en exhalant son dernier soupir, devient soudain, chose sublime, un être auguste et sacré. À peine le mendiant qui languissait à nos portes, objet de nos dégoûts et de nos mépris, a-t-il quitté cette vie, que la religion nous force à nous incliner devant lui. elle nous rappelle à une égalité formidable, ou plutôt elle nous commande de respecter un juste, racheté du sang de Jésus-Christ, et qui, d'une condition obscure et misérable, vient de monter à un trône céleste. C'est ainsi que le grand nom de chrétien met tout de niveau dans la mort, et l'orgueil du plus puissant potentat ne peut arracher à la religion d'autre prière que celle-là même qu'elle offre pour le dernier manant de la cité. Mais qu'elles sont admirables, ces prières! Tantôt ce sont des cris de douleur, tantôt des cris d'espérance. Le mort se plaint, se réjouit, tremble, se rassure, gémit et supplie. Exhibit spiritus eius, etc. Le jour qu'ils ont rendu l'esprit, ils retournent à leur terre originelle, et toutes leurs vaines pensées périssent. Delicta juventutis meae, etc. Ô mon Dieu, ne vous souvenez ni des fautes de ma jeunesse, ni de mes ignorances. Les plaintes du roi prophète sont entrecoupées par les soupirs du saint arabe. Ô Dieu, cessez de m'affliger, puisque mes jours ne sont que néant. Qu'est-ce que l'homme pour mériter tant d'égards, et pour que vous y attachiez votre cœur? Lorsque vous me chercherez le matin, vous ne me trouverez plus. La vie m'est ennuyeuse. Je m'abandonne aux plaintes et aux regrets. Seigneur, vos jours sont-ils comme les jours des mortels, et vos années éternelles comme les années passagères de l'homme? Pourquoi, Seigneur, détournez-vous votre visage et me traitez-vous comme votre ennemi? Devez-vous employer toute votre puissance contre une feuille que le vent emporte et poursuivre une feuille séchée? L'homme né de la femme vit peu de temps, et il est rempli de beaucoup de misère. Il fuit comme une ombre qui ne demeure jamais dans un même état. Mes années coulent avec rapidité, et je marche par une voie par laquelle je ne reviendrai jamais. Mes jours sont passés, toutes mes pensées sont évanouies, toutes les espérances de mon cœur dissipées. Je dis au sépulcre, « Vous serez mon père, et au ver, vous serez ma mère et mes sœurs. » De temps en temps, le dialogue du prêtre et du cœur interrompt la suite des cantiques. Le prêtre, « Mes jours se sont évanouis comme la fumée, mes os sont tombés en poudre. » Le cœur, « Mes jours ont décliné comme l'ombre. » Le prêtre, « Qu'est-ce que la vie ? Une petite vapeur. » Le cœur, « Mes jours ont décliné comme l'ombre. » Le prêtre, « Les morts sont endormis dans la poudre. » Le cœur, « Ils se réveilleront, les uns dans l'éternelle gloire, les autres dans l'opprobre, pour y demeurer à jamais. » Le prêtre, « Ils ressusciteront tous, mais non pas tous comme ils étaient. » Le cœur, « Ils se réveilleront. » À la communion de la messe, le prêtre dit, « Heureux ceux qui meurent dans le Seigneur. Ils se reposent dès à présent de leurs travaux, car leurs bonnes œuvres les suivent. » Au lever du cercueil, on entonne le psaume des douleurs et des espérances. « Seigneur, je crie vers vous du fond de l'abîme, que mes cris parviennent jusqu'à vous. » En portant le corps, on recommence le dialogue. « Qui dormiunt ?» Ils dorment dans la poudre, ils se réveilleront. Si c'est pour un prêtre, on ajoute, une victime a été immolée avec joie dans le tabernacle du Seigneur. En descendant le cercueil dans la fosse, nous rendons la terre à la terre, la cendre à la cendre, la poudre à la poudre. Enfin, au moment où l'on jette la terre sur la bière, le prêtre s'écrie dans les paroles de l'Apocalypse, une voix d'en haut fut entendue qui disait « Bienheureux sont les morts !» Et cependant, ces superbes prières n'étaient pas les seules que l'Église offrit pour les trépassés. De même qu'elle avait des voiles sans tache et des couronnes de fleurs pour le cercueil de l'enfant, de même, elle avait des oraisons analogues à l'âge et au sexe de la victime. Si quatre vierges, vêtues de lin et parées de feuillages, apportaient la dépouille d'une de leurs compagnes dans une nef tendue de rideaux blancs, le prêtre récitait à haute voix, sur cette jeune cendre, une hymne à la virginité. Tantôt c'était l'Ave Maris Stella, cantique où il règne une grande fraîcheur et où l'heure de la mort est représentée comme l'accomplissement de l'espérance. Tantôt, c'étaient des images tendres et poétiques, empruntées de l'écriture. Elle a passé comme l'herbe des champs. Ce matin, elle fleurissait dans toute sa grâce. Le soir, nous l'avons vue sécher. N'est-ce pas là la fleur qui languit, touchée par le tranchant de la charrue, le pavot qui penche sa tête abattue par une pluie d'orage, pluvia cum forte gravantur. Et quelle oraison funèbre le pasteur prononçait-il sur l'enfant décédé dont une mère en pleurs lui présentait le petit cercueil? Il entonnait l'hymne que les trois enfants hébreux chantaient dans la fournaise et que l'Église répète le dimanche au lever du jour. Que tout bénisse les œuvres du Seigneur. La religion bénit Dieu d'avoir couronné l'enfant par la mort, d'avoir délivré ce jeune ange des chagrins de la vie. Elle invite la nature à se réjouir autour du tombeau de l'innocence. Ce ne sont point des cris de douleur, ce sont des cris d'allégresse qu'elle fait entendre. C'est dans le même esprit qu'elle chante encore le Laudate Pueri Dominum, qui finit par cette strophe. Qui habitare facit sterilem, in domo matrem, filiorum laetantem. Le Seigneur, qui rend féconde une maison stérile, et qui fait que la mère se réjouit dans ses fils. Quel cantique pour des parents affligés! L'Église leur montre l'enfant qu'ils viennent de perdre vivant au bienheureux séjour, et leur promet d'autres enfants sur la terre. Enfin, non satisfaite d'avoir donné cette attention à chaque cercueil, la religion a couronné les choses de l'autre vie par une cérémonie générale, où elle réunit la mémoire des innombrables habitants du sépulcre. Vaste communauté de morts, où le grand est couché auprès du petit, république de parfaite égalité, où l'on n'entre point sans ôter son casque ou sa couronne pour passer par la porte abaissée du tombeau. Dans ce jour solennel où l'on célèbre les funérailles de la famille entière d'Adam, l'âme mêle ses tribulations pour les anciens morts aux peines qu'elle ressent pour ses amis nouvellement perdus. Le chagrin prend, par cette union, quelque chose de souverainement beau, comme une moderne douleur prend le caractère antique, quand celui qui l'exprime a nourri son génie des vieilles tragédies d'Homère. La religion seule était capable d'élargir assez le cœur de l'homme pour qu'il pût contenir des soupirs et des amours égaux en nombre à la multitude des morts qu'il avait à honorer. Fin du livre premier.